La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Rencontre nombreux dans tout le Proche-Orient ancien, des gens dont on ne savait pas jusque-là de quelle sorte de groupe il s'agissait. Était-ce une ethnie, une horde de brigands ? Leur nom, les Rabirous, se retrouve dans bien des documents anciens, le plus souvent accolé à des sentiments négatifs, à la destruction, à la brutalité, à la mort. Certains savants, depuis la fin du XIXe siècle, ont longtemps pensé qu'on avait là sans doute une trace des anciens Hébreux. Mais le cours de Jean-Marie Durand donne l'état le plus récent de la recherche grâce aux découvertes qu'il a effectuées dans la Syrie actuelle sur le site de l'ancienne ville de Marie. Ce travail autorise une interprétation qui renouvelle entièrement non seulement la signification du terme de « Rabirou », mais aussi la connaissance générale, comme par exemple celle du mode de vie des habitants du Proche-Orient ancien. Les Rabirous sont, a démontré Jean-Marie Durand dans ses cours, des gens qui se sont déplacés, qui se sont expatriés pour des raisons politiques et uniquement politiques. Il peut s'agir d'un homme seul, d'une famille ou d'un groupe d'amis qui quitte tout face à une situation ponctuelle, comme ça arrive fréquemment dans l'histoire. Mais les conditions de vie au Proche-Orient ancien, on est là environ 1800 ans avant Jésus-Christ, était évidemment extrêmement précaire ainsi que la plupart des pouvoirs. Jean-Marie Durand nous a donné quelques exemples de Rabirous, celui d'Idrimi, roi d'Alalar, originaire d'Alep, mais aussi celui du jeune David, celui qui deviendra dans la Bible le roi David et qui fut également un Rabirous. Ce matin, Jean-Marie Durand laissera le soin à l'un de ses collaborateurs, Michael Guichard, d'exposer en détail l'histoire d'un autre Rabirous, Sam Sierrard. Pour ouvrir le propos, Jean-Marie Durand commente pour nous, avec son humour habituel, un texte découvert dans la cité de Marie. Le suzerain roi de Marie a décidé qu'il allait donner les deux royaumes voisins à deux frères ennemis. Et le gouverneur Mariotte a la joyeuse tâche d'aller apprendre ça à l'un des futurs voisins. Il lui dit, si Choubram est ton serviteur, et si ton père, c'est-à-dire le roi de Marie, le fait s'installer à côté de toi, c'est-à-dire le fait roi du pays qui est ton voisin, l'ordre de ton père, est-ce que tu l'agrées ou tu ne l'agrées pas? Je suis désolé pour l'orthographe, mais vous savez, on est dans des époques archaïques. Est-ce que tu l'agrées ou est-ce que tu ne l'agrées pas? Lui m'a fait cette réponse-ci. Alors, on est en Orient, hein. C'est-à-dire que les gens sont polis, c'est-à-dire qu'ils vous disent poliment oui de façon telle que vous comprenez que c'est non. Hein? Lui me fait cette réponse-ci. Que mon père me fasse ce que bon lui semble. Mais cela, je ne puis l'accepter. Alors là, c'est inouï quand même, c'est inouï d'aller jusque-là. Il devait y avoir une haine farouche entre Saint-Métard et Choubram. À dessein, je lui ai alors parlé au sujet des Rabirous. Ton challenger qui se trouve, malheureusement c'est cassé, est parti vers le Zalmakoum. Alors il y a un texte fragmentaire où il est question des biens et des familles de ces gens. Toi, empare-toi de leurs fils et de leurs biens. Voilà les propos que je lui ai tenus, mais il n'a rien voulu entendre. Alors, pour avoir la clé de ce texte, il faut savoir que le Keltoum, c'est quelqu'un qui aurait pu prendre le pouvoir, il fait partie d'une famille royale, il aurait pu prendre le pouvoir, mais il s'est fait courser par quelqu'un. C'est-à-dire que dans ces pays où il n'y a pas d'ordre dynastique extrêmement stable, n'importe qui est susceptible de prendre le pouvoir à condition de faire partie d'une famille et d'arriver le premier. Le premier qui s'installe sur le trône est roi. Et les autres qui arrivent plus tard deviennent ce qu'on appelle des keltoums. C'est une conception tout à fait particulière de l'époque et que l'on ne peut pas expliquer. Il y a des étymologies, vous verrez, mais on reverra la question plus tard. Alors, vous voyez le marchandage. On lui dit, il y a un keltoum qui est dans le pays à côté de toi. Si on t'en débarrasse, si on te laisse prendre toute sa famille, si on te laisse avoir suffisamment d'otages pour qu'il ne puisse plus te menacer sur ton pouvoir, est-ce que tu acceptes, n'est-ce pas, d'avoir un tel comme ton voisin dans le royaume voisin? Vous voyez, c'est une espèce de marchandage. On marchande la possibilité auprès d'un roi de le débarrasser de son opposition si jamais il accepte que quelqu'un à côté de lui soit roi et que ça se passe d'une façon relativement pacifique. Alors, il y a des textes absolument fantastiques dans lesquels on se rend compte que tout voisin royal entretient chez lui le keltoum de son voisin. Il y a eu des moments où la cour du roi de France héberger quelqu'un qui pouvait prétendre à la couronne du roi d'Angleterre en termes amorites. Eh bien, le prétendant à la cour d'Angleterre qui était réfugié à la cour de France est un keltoum. Seulement, ce qui est quelquefois un peu cocasse, c'est le petit jeu de « je te tiens, tu me tiens » par le keltoum, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le roi de Marie écrit au roi de Courda en lui disant: tu sais qui j'ai chez moi? Je pourrais te l'envoyer à Courda pour t'ennuyer. Et le roi de Courda lui dit, mais chez moi j'ai. Et on voit que le roi de Courda entretient chez lui un keltoum pour inquiéter en quelque sorte le roi de Marie. Et lorsque le roi de Babylone lui-même, qui pourtant a de très bons rapports avec le roi de Marie, voit arriver chez lui quelqu'un qui se prétend être le neveu du roi de Marie, eh bien, on lui ouvre les bras, on lui fait un accueil absolument fantastique, on l'installe royalement, et on considère que voilà quelqu'un qui, éventuellement, pourra un jour être mis à la place du Zimrélim sur le trône de Marie. Donc, vous voyez cette notion de keltoum, de chef de position, qui est hébergé chaque fois, à droite ou à gauche, dans tous les royaumes. Alors, ici, vous en avez un exemple. Et ces keltoums, ce sont ceux autour desquels se mettent les oppositions politiques et qui sont éventuellement capables de revenir. Alors, ça fait une situation où la guerre est absolument pérenne. Alors, voici à peu près, donc, cette notion politique du Rabbi Roux culmine avec la notion de keltoum. Et nous allons passer, alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à l'examen de quelques cas de chef. On va voir ce que c'est que cette notion de chef chez les Rabbi Roux, par toute une série d'exemples. Alors, le premier exemple que nous allons prendre, c'est celui de Sam Sierra aujourd'hui. Nous allons regarder, je vais passer par correction scientifique la parole à Michael Guichard, puisque ce sont les travaux de Michael Guichard qui illustrent tout cela. Alors plutôt que de le piller, je préfère vous l'amener. Et bon, si ça vous plaît pas, c'est à lui que vous le direz. Il est maître de conférence à Paris 1 et c'est un de nos plus brillants chercheurs. Il faut dire qu'il a, à notre différence, des yeux qui sont encore capables de lire ces tablettes, n'est-ce pas, et qui ne sont pas comme nous, usés par des années de réflexion, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, très souvent, le don de double vue et mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir sur la tablette peut guider nos regards défaillants. Alors, si, comme on vous l'a dit, les lettres de Marie représentent l'équivalent de nos flashs journalistiques, hein, j'avais pris cet exemple pour démarrer, nos flashs journalistiques modernes, en ce sens que, sitôt qu'une information était connue par un responsable, elle était transmise au roi de Marie, ou au moins à l'un des relais de l'information royale, l'originalité de Marie est de nous permettre aujourd'hui de regrouper toutes ces informations en dossier et de nous fournir le déroulement dans le temps d'épisodes historiques cohérents qui pourraient très bien, une fois repris par quelqu'un, fournir la trame de véritables romans historiques. Ça que je veux arriver à vous montrer, c'est que quand nous réunissons toutes les lettres de Marie que nous avons à notre disposition, eh bien, quelqu'un pourrait reprendre tout ça et écrire un roman historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les égyptologues qui pourraient le faire, nous pourrions nous aussi le faire. Bon. Question de tempérament, de temps, de timidité, je ne sais pas, ou de contact chez les imprimeurs, je ne sais pas, c'est... Ce sera à vous de me dire si éventuellement on peut publier des choses comme ça. On peut se demander, et ça c'est plus sérieux, on peut se demander si plusieurs des histoires centrées autour des personnages historiques qui nous ont été gardés par l'Antiquité, soit l'approche orientale, soit la classique, n'ont pas pu être constituées de la sorte en réalité, c'est-à-dire par arrangement littéraire à partir de documents de première main, arrangés en fonction de préoccupations morales ou esthétiques. Un des exemples les plus célèbres, alors récent naturellement, mais un des exemples les plus célèbres de ce roman historique, vous les connaissez, c'est celui du roman de Joseph qui termine la Genèse, par exemple. Voilà un des plus magnifiques romans que l'on peut trouver. Le phénomène a souvent été évoqué, ce processus historique et littéraire a été évoqué, mais nous ne possédons plus les documents primaires à partir desquels ces histoires ou historiettes de l'Antiquité ont été reconstruites. En revanche, et c'est ça qu'il faut bien souligner, les lettres de Marie nous fournissent désormais les documents primaires, véritables pierres d'attente, mais à partir desquels le roman n'a pas été écrit, parce qu'on se trouvait à une époque où on n'écrivait pas des choses de ce genre. Au sein de ces dossiers, nous allons élire aujourd'hui un héros qui a dû faire en son temps beaucoup de bruit et semer beaucoup de fureur, lesquels n'ont d'ailleurs pas été éteints par sa mort, puisque, comme vous allez le voir, des proches à lui ont continué après lui l'agitation qu'il avait commencée. On a choisi volontairement, Michael Guichard et moi-même, quelqu'un qui n'est encore connu que par les spécialistes, mais dont la vie agitée, les heurts et les malheurs auraient pu, dans d'autres circonstances, donner naissance à des romans analogues à ceux de Jephté ou de Samson. Vous allez voir les parallèles avec Samson. C'est absolument... La lecture du livre des juges, par exemple, pour un spécialiste de Marie, a ceci de fascinant, que l'on croit voir enfin arranger au sein de récits cohérents et dramatiques les fragments épars qu'il peut glaner sur tel héros ou héroïne dont les informateurs parlent dans les lettres de Marie. Et l'avantage, c'est que si on vous parle d'un homme, on aurait pu vous prendre une héroïne, de la même façon. Mais ça aurait été plus trop romanesque et moins historique. Il y a donc un très grand intérêt heuristique à étudier l'aspect purement événementiel de la vie d'un de ces rabirous selon Marie, même si l'histoire peut vous paraître aujourd'hui explosée et décousue. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelait Samsi Erar, il porte un nom, vous l'avez écrit au tableau, c'est un nom programme qui signifie le dieu lune et mon soleil. Le dieu lune et mon soleil. Ça fait partie des habitudes locales de Paris, et qui vivait dans la haute Jésirée, au XVIIIe siècle avant notre ère. Mesdames, Messieurs, les rabirous sont pour la plupart mentionnés dans les textes de Marie pendant le règne de Zimrilim et représentent de petites bandes vivant dans la haute Jésirée. Ils sont sans doute numériquement peu importants, par groupe de 50, ou 100, ou 200. Mais nous sommes à une époque pendant laquelle une cinquantaine d'hommes suffisent pour semer la terreur dans toute une région. Les rabirous sont toujours révélateurs d'un phénomène plus profond, l'instabilité des populations de la Haute Jésirée. Comme chacun sait, l'avènement de Zimrilim est lié à l'effondrement du grand royaume de Samsiadou. Dans le nord, cela a dû conduire à des mouvements de population. Des villes ont périclité, comme Kirtarat et Narour. D'autres apparaissent brusquement sur la scène, comme Ilansoua. Des crises sporadiques provoquèrent la migration de petits groupes, même pendant les années de règne de Zimrilim. La région du piémont du Tour Abdin, qui va nous intéresser, était divisée en petits royaumes assujettis à Zimrilim, roi de Marie. Celui-ci était aussi le souverain des semi-nomades bentimalites qui peuplaient la région et la parcouraient avec leurs troupeaux. Ils mettaient éventuellement au pas les populations rebelles, mais leur présence n'empêcha pas d'innombrables révoltes. Pour mieux contrôler la région, le roi de Marie exigeait de ses vassaux qu'ils le tiennent au courant des affaires politiques de leur pays. Il les fit aussi étroitement surveiller par divers agents. Un gouverneur mariotte était installé au milieu de leur territoire à Narour. Les chefs bédouins, dans leurs déplacements, récoltaient aussi nombre d'informations utiles. Pendant beaucoup de ces données ont été transmises dans les lettres retrouvées dans le palais de Marie. C'est ainsi qu'émergent de ce flot de nouvelles des figures singulières telles Samsiérar, sujet de ma présente communication, car ce fut justement un chef de rabirous. Pas moins d'une trentaine de lettres évoquent ce personnage ou son frère. Mais permettez-moi de rappeler plus précisément dans quel cadre a vécu cet homme. Dans la partie de son existence qui nous intéresse ici, nous le voyons vivre dans un pays qui s'appelait au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le Yaptour. On situe ce pays dans la région des sources du Rabour. Il s'étendait au nord, jusque dans les montagnes à l'ouest de l'actuel Tour Abdin. Cette région, cette partie de ce royaume, était appelée le Yaptour supérieur. À l'ouest, il y avait le Zalmakoum, et à l'est, au pied du Tour Abdin, s'étendait l'Idamarat, c'est-à-dire le Piémont. Ce pays plus vaste était fractionné en une multitude de petites royautés turbulentes. Un royaume type était constitué d'une ville, caractérisée par sa muraille et son acropole, un simple tel, portant un palais et des temples, et d'un arrière-pays peu étendu, parsemé de villages où se concentrait l'essentiel de la population. Le paysage urbain paraît avoir été très modeste. Dans la partie occidentale de cette région, les principales villes, dites les grandes villes, étaient Ashnakoum, Susa et Ashlaka. Celles-ci étaient en constante rivalité. Alors la capitale du Yaptour s'appelait Tal Rayoum. Et dans la zone montagneuse qui dépendait d'elle, donc le Yaptour supérieur, étaient établis quelques petits bourgs gardant une assez grande autonomie. Quand Samsiérar apparaît mêlé aux affaires compliquées de l'Idamarat et du Yaptour, l'autorité mariotte connaît une phase d'affaiblissement dans la région. En l'an 1765, qui correspond à la dixième année de ce roi, le roi de Marie eut à faire face à une offensive des Élamites. Ils s'attaquèrent à l'est de l'Idamarat, donc en Idamarat et dans le Yaptour, beaucoup de rois ou de villes choisirent de se soumettre au nouveau maître élamite. Des révolutions de palais eurent lieu et les querelles locales n'en furent que plus avivées. Cela laissait la place à des aventuriers comme Samsiérar. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'histoire de ce meurtrier et pillard, puis celle de sa succession après son assassinat, pour enfin dégager quelques conclusions générales sur les Rabirous dans cette partie du Proche-Orient. Alors, Samsi Erhard apparaît pour la première fois dans les affaires du Yabtour quand il assassina le roi de ce pays dans son propre palais, c'est-à-dire à Tal Rayoum. Ce roi malheureux s'appelait Yawiel. Il avait succédé à quelqu'un assassiné à peu près dans les mêmes conditions 2 ou 3 ans auparavant. Yawiel s'était mis à dos une partie de ses sujets, notamment les villes situées dans les montagnes comme l'Ouraya. Les Mariottes voyaient la chose d'un mauvais œil. La région était le terrain de parcours des Bédouins Ben Simalit. Mais ils furent impuissants face au régicide. Un chef nomade raconta en détail l'épisode. Donc, j'oublie cette lettre. Les habitants de Tal Rayoum ont tendu un traquenard à leur seigneur Yawiel et l'ont tué. La nuit, ils ont fait entrer dans Tal Rayoum Samsi Erhard, accompagné d'émigrés et de gens de l'Ouraya, qui se déplacent constamment avec lui. Samsi Erhard a réuni l'argent et les biens du palais, et il les a emportés sans attendre. Mais les émigrés et les gens de l'Ouraya qui étaient entrés à Tal Rayoum avec lui se sont mis à piller les maisons des particuliers, si bien que les gens de Tal Rayoum les ont expulsés, ce qui faisait 50 hommes. Ils ont vaincu les Rabirous, les émigrés, et les gens de l'Ouraya. Puis ils ont installé un autre roi, choisi au sein de leur population, le représentant de Monseigneur Essouf. En aucune façon, ce n'est cependant une royauté légitime. Vers où donc la ville de Tal Rayoum dirige-t-elle ses regards? Est-ce vers Monseigneur? Ou bien est-ce vers l'Idamarat? Ou bien est-ce vers le Zalmakoum que se porte son regard? Jusqu'à présent, ce n'est pas sûr. Alors l'auteur de cette lettre n'a pas l'air de considérer Samsi Erhard comme un inconnu. Pour notre part, nous savons seulement, par des témoignages postérieurs, du vivant de Samsi Erhard, ou postérieur à sa mort, qu'il était un mouchkenoum, c'est-à-dire un simple particulier. Il y a 2 façons de comprendre. Soit il s'agissait d'un homme dépourvu du titre de roi, dépourvu de tout royaume et de toute autorité légale. Soit c'était un roturier. Alors cette dernière façon de voir semble être la meilleure. À une époque où Samsi Erhard était mort, un roi d'Idamarat, que les Mariottes comptaient arrêter, justifia sa conduite de la sorte. Samsi Erhard, un homme du peuple, s'est acquis de la gloire. Moi, un noble, je veux obtenir aussi un grand renom. Je vais constituer un bataillon de Rabirous et me rendre aux Zalmakoum pour m'en prendre à lui. Cela suscitera une diversion sur un front. Samsi Erhard n'était pas un Madaroum, c'est-à-dire un membre issu d'une famille royale. Il s'agissait d'un parvenu. Avec lui, lorsqu'il entre à Tal Rayoum, se trouvaient des gens de la ville de Louraya, lieu qui se situait dans le nord du Yabtour. Les gens de Louraya avaient juré la mort de Yawiel et avaient élu Samsi Erhard comme leur chef. Samsi Erhard était-il originaire du Yabtour, voire de Louraya? D'autres témoignages montrent clairement que Samsi Erhard était domicilié dans le Yabtour supérieur à cette époque. Pourtant, rien ne prouve qu'il était du Yabtour. Il semble plutôt que c'était quelqu'un qui cherchait à s'implanter quelque part. Le récit de son entrée à Tal Rayoum le montre d'ailleurs tout d'abord accompagné d'émigrés. Aussi, il se peut qu'il ait été tout particulièrement lié à ces derniers. Une hypothèse peut être avancée. Il est possible qu'il faille l'identifier avec un Samsi Erhard qui était chef d'une ville, du Sinjar, dans la première moitié du règne de Zimrilim. Il avait acquis une grande renommée, mais sa ville avait été prise et lui-même arrêté. Il se peut qu'il ait échappé à ses geôliers et ait trouvé refuge dans les montagnes du Yabtour. En bref, Samsi Erhard était issu du peuple, Il était accompagné de Rabirou, en étant peut-être un lui-même. Il voulait s'emparer d'une ville ou d'un pays. Il aurait loué ses services aux gens du royaume, enfin du nord du Yatour, qui avaient pris en grippe leur souverain. Il aurait été choisi parce qu'il s'était imposé comme un potentat local incontournable. L'assassinat de Yahouiel provoqua une véritable crise régionale. Celui-ci n'avait pas d'héritier. Ce vide du pouvoir suscita de nombreuses convoitises. Or, les prétendants étaient nombreux. D'emblée, les conjurateurs, les assassins de Yahouiel, s'entre-déchirèrent. Les habitants de Tal Rayoum, qui avaient appelé les Rabirou et les gens de Louraya, se querellèrent rapidement avec eux et les expulsèrent. Ils choisirent donc un des leurs comme roi. Cet homme devint effectivement le roi du Yaptour, mais seulement après une longue période d'incertitude et de querelles. Les anciens de Tal Rayoum écrivirent eux-mêmes au roi de Marie une version hypocrite de l'assassinat de leur roi. Donc voici la lettre qu'ils ont envoyée au roi de Marie. Alors selon cette version, des gens, en fait, ils ne nomment qu'indirectement les gens de Louraya, étaient entrés à leur insu dans la ville et par une brèche. Ils ne font pas mention de Saint-Sierra. Alors, ils recommandèrent dans cette lettre leur choix à Zimrilim. Mais le roi de Marie, en tant que suzerain de la région, n'avait sans doute pas apprécié de se voir ainsi imposer un nouveau roi, un nouveau vassal. Aussi, les Mariottes apportèrent d'abord leur soutien à un autre candidat, le roi du pays de Susa. Et donc, effectivement, cette ville exerça sur le Yaptour son autorité pendant un temps, mais c'est une autorité qui ne fut pas acceptée par tout le monde. Alors, de son côté, Samsi-Erar, lorsqu'il pénétra dans le palais de Tal Rayoum, n'était peut-être pas uniquement intéressé, attiré par le butin, mais une prise de pouvoir le tentait sans doute. En tant que, étant une sorte de leader des gens du Yaptour supérieur, il entra donc inévitablement en compétition avec le roi de Susa. Et profitant d'une absence de ce dernier, de sa ville, de Susa, il entreprit un raid victorieux sur la ville de Susa, comme le montre cet observateur scandalisé par l'impuissance de Zimrilim. À présent, Shubram, le roi de Susa, sans compter ses gens, alors qu'il tient le pan de l'habit de votre seigneur, Samsi-Erar a parvenu à piller sa maison et ses biens. Pourquoi ton seigneur Zimrilim ne l'a-t-il pas sauvé? L'autorité de Samsi-Erar s'accrut dans le Yaptour. Il s'empara même d'une ville frontière appartenant à Zalouran. Il devint l'allié du roi d'Ashlaka, l'ennemi naturel du roi de Susa. La guerre entre les Élamites faisait rage, alors les Mariottes tolérèrent l'aide opportune que pouvait leur apporter Samsi-Erar. Les partisans de l'Élam étaient partout en Idamarat. Mais Samsi-Erar et le roi d'Ashlaka leur menaient la guerre avec une troupe Mariotte, comme le montre ce témoignage, et dans ce témoignage, on voit qu'ils prennent une ville ensemble. Le devin Idinanu, serviteur de Monseigneur, ainsi que la troupe de Monseigneur qui l'accompagne, s'en est allé avec Ibaladou et Samsi-Erar. Ils ont pris la ville de Kalilou et ont été victorieux. Monseigneur vient d'obtenir une grande gloire. Enfin, les Mariottes cherchèrent à réconcilier leurs partisans entre eux, comme en témoignent les efforts de ce gouverneur Mariotte qui raconte son entrevue avec Samsi-Erar. À propos de Shubram, roi de Susa, je me suis entretenu avec Samsi-Erar de la sorte. Qui donc doit être placé à la royauté du Yaptour? Si en ton fort intérieur tu gardes pour toi quelque idée, dis-la-moi. Pour la direction du Yaptour, il faut bien qu'on leur installe un autre roi. Sinon, exerce toi-même la charge de gouverneur du Yaptour. Samsi-Erar m'a répondu ainsi. qu'est-ce qu'un pays qui n'a pas de nobles? Jamais cet Inzan, un valet de les lames, ne devrait exercer la royauté. Dès lors, c'est Shubram, le préposé de Monseigneur, qui doit exercer la royauté. Voilà ce qu'il m'a déclaré. Cependant, Samsi-Erra s'est montré préoccupé en disant « Pendant la guerre, j'ai fait beaucoup de tort à Shubram. À présent, j'espère qu'il ne m'en veut plus et qu'il ne me recherche plus, qu'il ne recherche plus ma perte. » Cet entretien rencontre apparemment d'un changement radical de Samsi-Erra. Il avait l'intention de s'éclipser derrière Shubram et voulait faire la paix avec lui. La réconciliation ne se concrétisa jamais, car le roi d'Ashlaka sut l'en dissuader. Ibaladou, le roi d'Ashlaka, s'est mis à parler ainsi à Samsi-Erra, disant « Sur ordre même du roi, Shubram, de Susa, va te couper la tête et l'Imiyadou va me couper la mienne. » Samsi-Erra s'apprêtait à faire la paix avec Monseigneur. Et Shubram, eh bien, Ibaladou vient d'en faire un ennemi. De Narour, il est rentré plein de ressentiment à l'intérieur du Yaptour et il a donné de mauvaises idées au pays. Finalement, sans être investi de la fonction de roi ou de gouverneur, il exerçait bien, d'après ce texte, une influence décisive sur le Yaptour, quoiqu'il eût localement aussi des opposants. Son attitude hésitante vis-à-vis du roi de Susa et des Bédouins Ben Simalit, sans compter sa propre hostilité à l'égard de leurs ennemis, les partisans pro-élamites, l'isolèrent et précipitèrent sa chute. Dans le Yaptour supérieur, la ville d'Oulaya était acquise à la cause des pro-élamites et lui tendirent à traquenard. Le drame a été raconté de façon concordante par plusieurs rapports, celui du roi d'Ashlaka, qu'il a abandonné à son sort, celui d'un chef bédouin Ben Simalit, qui transforme d'ailleurs la nouvelle en un bulletin de victoire, car il considérait que Samsi-Erra était un troublion. Donc voici sa lettre. Dagan, Adou et Tourmer, ce sont des divinités, viennent toujours en aide à Monseigneur. Celui qui commet le mal contre Monseigneur, les dieux de Monseigneur lui en demandent compte. Monseigneur est bien assuré sur son trône. Or, Samsi-Erra, qui suscitait du désordre au pays du Yaptour, on l'a tué dans la ville d'Oulaya. Auparavant, j'avais menacé cet homme et j'avais pressé Monseigneur de le tuer. À présent que le Dieu lui a réglé son compte, Monseigneur peut se réjouir. Mais à cette époque, le roi de Mari reçut une lettre de quelqu'un qu'il ne connaissait probablement pas, car celui-ci s'y présente comme Kouranoum, le frère de Samsi-Erra. Ce qui est rare dans la correspondance. Les témoins qui par la suite parlèrent de ce Kouranoum précisait presque toujours le frère de Samsi-Erra. Voilà la première lettre que Kouranoum envoya à Zimrilim juste après la mort de son frère. Samsi-Erra avait saisi la frange de ton habit. Du fait qu'il avait saisi la frange de ton habit, les gens sont devenus envieux à son égard et ils ont fait assassiner l'individu. On a calomnié cet homme à propos de la défaite qu'ont connue l'Élamite et le Soumoum. D'autre part, Samsi-Erra avait dit « Je veux, avec la lance, faire une défense pour Monseigneur et je veux apporter à Monseigneur un présent. » Alors Iska et Oulaya entreprirent de traquer cet homme. À présent que Monseigneur m'autorise par un ordre de sa bouche à faire la vendetta pour mon frère. Que continue à m'arriver le messager de Monseigneur, comme c'était le cas auparavant. Je suis un serviteur de confiance de Monseigneur. D'autre part, il se trouve que j'ai remis à Ibaladoul, roi d'Ashlaka, Taka, le valet de l'Élam, en lui disant « Livre-le à Monseigneur ». fais-moi porter une réponse à ma tablette dans un sens ou l'autre. L'information contenue dans ce document est très riche. Kouranoum défend la mémoire de son frère Samsi-Erhar en prétendant que celui-ci servait d'abord les intérêts de Marie. Un point de vue qui n'était bien sûr pas partagé par tous les gens de Marie, comme on vient de le voir. Selon Kouranoum, il serait mort en tant que victime de la cause mariotte. Mais sa lettre montre clairement qu'il écrit pour être reconnu officiellement comme successeur de son frère. Par un fragment qu'on peut attribuer à un cher du Yabtour, nous savons que Samsi-Erhar avait un fils qui aurait pu lui succéder. Samsi-Erhar s'assura de son vivant de le faire protéger par les Ben Simalites implantés dans le Yabtour par un rituel qu'on appelait Kidutum. Ce rite, qui consistait à verser de l'huile sur la tête du protégé, était fréquent dans la région. Il revenait à exclure du système de la vengeance quelqu'un qui aurait pu y être intégré et être tué par les vengeurs. Mais à la mort de son père, il était sans doute encore trop jeune. Nous ignorons donc ce qu'il advint de lui. Dans la bande de Samsi-Erhar, il y avait donc des membres de sa famille, et grâce à Kouranoum, le frère, l'autorité restait au sein de celle-ci. Alors pour se faire reconnaître, Kouranoum se présente comme le frère de Samsi-Erhar afin d'en récolter le prestige. Il se présente aussi comme un serviteur exemplaire. Il signifie indirectement qu'il appliquera la consigne de son frère, servir de lance au roi de Marie. La normalisation des rapports entre Zimri-Lim et Kouranoum devait se manifester par la reprise d'un échange de messagers. En outre, deux actes devaient marquer l'avènement de Kouranoum comme chef de la bande de Samsi-Erhar. D'une part, l'envoi d'un présent d'hommage à Zimri-Lim, donc l'avènement de Kouranoum comme chef de la bande. Ce présent consistait à livrer à Zimri-Lim un partisan de l'Élam. Deuxièmement, et c'est encore plus important, cette accession se marquait par l'accomplissement d'une vendetta. Alors le terme Nikmoum signifie vengeance, vendetta. La vengeance va s'exercer contre les villes du Yabtour supérieur impliqué dans la disparition de Samsi-Erhar. Néanmoins, comme c'est le frère de Samsi-Erhar qui prend en charge l'affaire, la nécessité d'une riposte ne se présente pas comme un acte de guerre normal, il s'agit tout d'abord d'une justice familiale. Mais bien entendu, il ne justifie pas de cette façon, de cette manière, sa demande. Dans son argumentation, Kouranoum prend soin de placer sa requête au niveau non pas de la vengeance personnelle ou de celle du groupe isolé qu'il représente, mais au niveau d'une alliance conclue entre Zimri-Lim et Samsi-Erhar. La mort de Samsi-Erhar, précise-t-il, a été provoquée par cette alliance, qui aurait déplu à certains, Iska et Oulaya, suppôt de l'Élam. Il responsabilise ainsi le roi de Marie en le plaçant dans ce clan qui a subi le préjudice et avec lequel il est lié par alliance. Selon Kouranoum, il est même la cause directe de la mort de Samsi-Erhar, celui-ci étant mort pour lui ou à cause de lui-même. On remarquera qu'il ne sollicite pas l'aide militaire de Zimri-Lim, comme le ferait un vassal normal, mais simplement un consentement. L'acte de justice qu'il se propose de faire n'est pourtant pas limité à un cadre privé, son action ne va pas consister uniquement à dénicher deux ou trois coupables, mais il veut s'en prendre à deux cités responsables de la mort de son frère. On remarquera d'ailleurs que parmi les témoins de cette mort, il est le seul à inclure parmi les responsables directs de la mort de son frère, en plus des gens d'Oulaya, les gens d'Iska. C'est donc une vengeance disproportionnée qu'il réclame, un véritable droit à la guerre. Alors je n'ai pas retrouvé d'informations permettant de connaître une éventuelle réponse du roi Zimrilim. Mais le fait est qu'il y eut un échange épistolaire attesté par une autre lettre de Kouranoum, ce qui témoigne que le roi de Marie lui répondit effectivement et reconnut Kouranoum. Alors les activités de Kouranoum peuvent être résumées ainsi. D'une part, il s'installa dans une ville qu'il doit avoir prise de force. Voici le document qui en parle. Le sieur, c'est une traduction de Jean-Robert Cuper, le sieur Kouranoum a installé sa demeure à Achouchik, et c'est là-bas que les Rabirous se rassemblent autour de lui. C'est devenu un homme puissant, le sieur Kouranoum. D'autre part, il est impliqué dans la question de la succession de Yahouiel, qui plus d'un an après son assassinat, n'est toujours pas réglé. C'est de cela dont il était question dans une autre lettre qu'il a adressée à Zimrilim. Donc je lis. « J'ai pris connaissance de ta lettre que tu m'as fait porter. Tu m'as écrit ainsi. Choubram, le roi de Soussa, a du renom. Mais toi, tu n'es pas un noble. Sois le guide de sieur Choubram et conduis-le dans son territoire. Voilà ce que m'a écrit Monseigneur. » Alors Zimrilim ôte tout espoir à Kouranoum d'être un jour reconnu roi du Yabtour, car son rang social ne lui permet pas. C'est un indice que la chose intéressait Kouranoum. Contrairement aux propos tenus par Zimrilim, des parvenus ont bien réussi à devenir roi. Pourquoi pas Kouranoum? Le roi de Soussa, en fait, restait le candidat privilégié de Zimrilim. La suite de la lettre de Kouranoum semble être une parade de Kouranoum aux instructions de Zimrilim. Donc je lis la suite. Choubram, les particuliers ne le choisiront pas. Qui puis-je? Il suffit qu'un individu soit venu pour que les gens se mettent à abandonner le Yabtour. À présent, le Yabtour tout entier pourrait sortir pour partir en émigration. Conduis donc toi-même cet homme. Puissance et royauté ont été données à Asdinérim sur décision des anciens. Alors finalement, c'est cet Asdinérim qui avait été choisi à l'origine par les anciens du Yabtour qui effectivement, à la fin du règne de Zimrilim, va régner sur le Yabtour. Et quant à Kouranoum, on n'a plus d'informations sur lui. Alors donc, en définitive, l'histoire de Samsi Errar et de son frère nous apprend sur les Rabirous ceci. Premièrement, le Yabtour a été un repère de Rabirous. La partie nord du Yabtour, en raison de son paysage montagneux, a sans doute constitué un lieu de refuge idéal pour cette catégorie de population. La fuite des rebelles dans les montagnes ou les cavernes est presque un lieu commun de la littérature cunéiforme. De plus, les dissensions internes à ce pays ont permis à des aventuriers d'y jouer un rôle important. Des groupes entiers, d'origines probablement diverses, les ont suivis dans l'espoir de s'enrichir, mais peut-être encore plus de s'installer quelque part en conquérant et non en simple hôte. Deuxièmement, l'émigration apparaît dans plusieurs anecdotes, telles celles rapportées par Kouranoum, comme une arme politique. La fuite est un acte de désobéissance. Nous sommes dans une région où les assemblées politiques était très active. Donc les hommes libres menacent leur suzerain de partir en exil s'il fait quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas, notamment choisir un roi dont ils ne veulent pas. Troisièmement, les bandes étaient organisées, ces bandes d'émigrés, étaient organisées non seulement autour d'un chef, mais éventuellement autour d'une famille qui gardait pour elle l'autorité. Celle-ci n'était pas forcément noble. Le souhait de Sam Sierra ou de son frère était de diriger un territoire, d'être reconnu roi. Peut-être lui et son frère caressèrent-ils le rêve de s'imposer comme roi dans les Yaptours. Alors ces chefs représentent aussi un espoir pour les gens déracinés. Ceux-ci, enfin, ces chefs qui réussissaient, pouvaient jeter les bases d'un nouvel État. Alors Sam Sierra et Kouranou, malheureusement, n'ont pas l'air d'être parvenus à cette fin. Alors enfin, on a parfois traduit le mot « Habiru » par « hors-la-loi ». Mais cette désignation induit en erreur, car il n'existait pas de loi qui puisse en faire des bandits. La notion est anachronique. Les Habiru sont instables et prêtent leur service aux plus offrants ou se rallient à un chef à qui sourit la bonne fortune. Ils se livrent à des razzias, une pratique guerrière banale pour l'époque. Ils ne sont jamais des aides sûres, ils désertent facilement, à moins que la cupidité les rende dangereux. Sam Sierra est l'assassin d'un vassal de Zimrilim. C'est en outre un pillard qui a pillé les biens d'un vassal de Zimrilim. Cela n'empêchera pas une entente même précaire entre Zimrilim et lui-même. Il y eut échange épistolaire et coopération militaire. Le seul véritable reproche qui soit fait à Sam Sierra ou bien à Kouranoum, finalement, c'est de n'être que des mouchkenoum, des simples particuliers. Alors ils ont clairement conscience de cette condition inférieure. C'est pourquoi Kouranoum, par exemple, pour mener sa vendetta, demande le droit d'appliquer la vengeance familiale à Zimrilim. S'il avait été un roi, il n'aurait pas éprouvé le besoin de faire une telle démarche. Il réclame, ni plus ni moins, le droit à une guerre privée. Alors chacun a pu apprécier la richesse documentaire de Marie. Grâce à elle, nous avons l'impression d'entrer dans la conscience même de cette société amorite. Bien des informations que je viens de vous donner sont inédites. Sam Sierra est presque encore un inconnu des assyriologues. Mais j'espère que son nom ne laissera pas, son renom ne laissera pas indifférent les historiens et vous-même. Donc je vous remercie. Le grand problème, et Michael Guichard l'a abordé à un moment donné, c'est que quand les textes vous arrivent, quand je vous parle de flash, bon, eh bien, vous avez des flashs qui sont des bobards. Il nous est arrivé plusieurs fois de nous apitoyer sur des massacres qui n'ont jamais eu lieu. Hein, bon. Et puis d'autre part, d'apprendre 5 ans après qu'il s'était passé quelque chose qu'on nous avait bien caché. Bon. C'est-à-dire que l'information journalistique se présente comme une information pleine de chair et pleine de sang, et quelquefois quelque chose de complètement fabriqué. Et vous avez eu l'exemple tout à l'heure du récit par des tiers de la mort du roi de Tal Rayoum, à qui l'opposition a ouvert les portes de nuit, et puis pendant le malheureux roi, ils sont allés le tuer dans son lit. Et puis après, vous avez vu l'autre texte que Michael Guichard vous a montré, c'est la lettre officielle des anciens de la ville, quand il n'y a plus le roi, il n'y a plus que les anciens qui se réunissent entre eux et qui envoie une lettre d'une hypocrisie effroyable au roi de Marie en lui disant « Notre Seigneur est mort ». Alors que c'est eux qui l'ont tué, n'est-ce pas? Et cette lettre que vous avez vue, qui est une lettre épouvantable parce qu'elle a été écrite dans la chaleur du moment, et c'était vraiment, c'est une lettre, ce qu'on appelle une lettre barbare, parce qu'il n'y a pas l'orthographe, ils ne savent pas s'exprimer. Une idée pousse l'autre et fait basculer un mot dans l'oubli. Bon, je l'ai édité moi-même dans le temps, et quand je la lisais, je me disais, mais qui a fait le coup? Et alors, quand j'ai édité la lettre, j'ai trouvé un segment de signe qui devait être le coupable. Bon. Et puis, maintenant, quand j'ai réédité le texte par la suite, le nom du coupable est devenu un verbe qui a été intégré à l'action, et je me suis dit, il n'y a pas de coupable, c'est on, des gens qui sont venus. Et puis maintenant qu'on a le dossier complet, on comprend que c'est une lettre d'hypocrisie, et qu'ils ne veulent pas dire qui a fait le coup. Alors, tout ça, ça pose le problème, des problèmes absolument brûlants pour l'historien, c'est-à-dire, recherchons le concret, recherchons les documents primaires, et qu'en faire? On a l'impression que si ce n'est pas de la nourriture déjà prédigérée, elle est indigeste. Vous comprenez? Deuxième point, vous voyez ce que c'est sur la carte de nos jours, cette région. C'est une région dans laquelle on en parle peu, il se passe peu d'informations. C'est une frontière qui est fermée. Moi, j'ai vécu pendant 12 ans en faisant des fouilles là-bas. La frontière entre la Syrie et la Turquie, qui n'est pas dans ces régions-là, c'est ça qui passe au milieu de ces régions, c'est le Bardanban. C'est-à-dire que si vous descendez du côté gauche du ballast, vous êtes en Turquie. Si vous descendez du côté droit du ballast, vous êtes en Syrie. C'est plus perméable que la frontière entre la France et la Belgique. Et ce qui explique naturellement beaucoup de choses. C'est une région qui est maintenant coupée en deux. Il s'y passe peu de choses, si ce n'est des coups de main. Ce n'est pas la grande information. Si vous regardez maintenant le 18e siècle de la planète, quasiment toute l'information que nous avons vient de là. C'est-à-dire, dites-moi ce qui se passe au 18e siècle avant le Christ, en Angleterre, en France, en Allemagne. Il y a certainement des choses, vous ne savez rien, éventuellement. Bon. Et là, vous voyez, bouleversement tout d'un coup de la vision historique, vous suivez mois par mois, et quelquefois d'une façon contradictoire, les événements qui s'y passent. France Culture vous présente. Mon cœur ne veut pas. Ne veut pas. Des textes contemporains méconnus, portés par la seule voix des comédiens, France Culture et la SACD vous présentent Mots d'auteur et textes nus au Festival Nîmes Culture, 2e édition, du 8 au 10 juillet à Nîmes. Vendredi 8 juillet, Serge Valetti lit Dialogue pour un homme. Catherine Yégel, « Oh, ciel, la procréation est plus aisée que l'éducation » de Sylvain Levet. Samedi 9 juillet, Daniel Salnave lit Vincennes Neuilly. Puis André Wilms, des extraits de « Trois » de Philippe Malone. Enfin dimanche 10 juillet, David Lescaut, la commission centrale de l'enfance, et Didier Sandre pour « La mineure » de Christophe Tostin. Texte nu et mots d'auteur au festival Nîmes Culture, cours de l'hôtel Meignier de Salinelles. Réservation, dossier complet, franceculture.com. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. France Culture vous présente. Le Tour de France en 15 étapes, 15 histoires racontées par Raphaël Geminiani, chaque jour sur France Culture, du 4 au 22 juillet. Je vais voir mes équipiers, je dis les gars, faut pas faire refroidir la soupe. Dès qu'il va y avoir le regroupement, alors c'était ligne droite d'Avranches, et là, je connaissais le parcours, il y avait des côtes, il y avait des virages, tout ça, ça se prêtait bien à cette guérilla. Vlam, vlam, vlam. Et j'ai trois centres midi qui s'en vont. Anglade, Busto et Polo. Donc j'ai trois gars en appui devant. Et moi je dis maintenant, j'ai pas de temps à perdre. Et alors, il y avait une côte, je me rappellerai toujours cette côte, une ligne droite, mais dure. J'ai mis un coup de fusil là-dedans. Bam! Il est sorti de la roue, ébobé et anctile. Et le dernier qui était dans ma roue, c'est Bovin avec son maillot jaune. Tours et détours dans les aventures des géants de la route qui ont marqué l'histoire mondiale du cyclisme. Stratégie, souvenirs, anecdotes. Je sentais qu'il était au point de rupture. J'ai dit, ah bon, attends, toi aussi tu vas passer par la fenêtre. Paf! Et je les ai tous fait passer par la fenêtre. Les belles histoires de Raphaël Geminiani, le grand fusil, 5 minutes chaque jour, du 4 au 22 juillet à 17h25. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance à 11h30 tournent leur regard sur la cartographie des routes de la soie. Tout un réseau de pistes pour convoyer non seulement la soie, mais